Quel songe! Quel songe en mon pays fit se lever des larmes! Quelle tristesse d'ombre et sombre en ses alarmes! Et jusqu'au plus profond de son plus calme cœur, trancha son existence même avec des armes, et le plongea d'un coup dans l'orbe du malheur.